faire violence et ne songer qu'à son bien. À ruminer les projets sans forcer le destin et les désirs que l'attente jamais ne veut exaucer. On finit par accepter le confort du quotidien. L'héritage en amont que l'on nous a légué est avalé. L'héritage en aval que nous allons léguer sans intérêt. À laisser passer sa chance en déléguant l'audace, se dire qu'on a tout le temps pour occuper sa place, ne pas saisir l'urgence de prendre le relais. Le sillon tracé d'un exemplaire équilibre qui se heurte à l'échec, ne pas repousser ses limites, quitte à se casser le bec. L'héritage en amont que l'on allégué est avalé. L'héritage en aval que nous allons léguer sans intérêt. Le terrain est conquis par celui qui le mérite, celui qui veut bien prendre et puis qui prend la peine. Celui-là seul entre tous pour de bon en hérite. L'héritage en amont que l'on nous a légué est avalé. L'héritage en aval que nous allons léguer sans intérêt.